بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما تبقى من سورة الأعلى. Aujourd'hui on va finir ce qu'il nous reste dans l'exégèse de Sourate Al-A'la. On est arrivé jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Celui qui craint suivra le rappel, et le plus malheureux s'en écartera. Celui qui brûlera dans le feu le plus grand, il n'y mourra pas et n'y vivra pas. إذن رأينا في الدرس الماضي أن الله تعالى أمر نبيه بالتذكير. On a vu lors du cours précédent que Allah تبارك وتعالى a ordonné à son prophète de faire le rappel. وكذلك المؤمنين لكونهم يتبعون نبيهم. Et de la même façon, les croyants aussi leur est ordonné de faire le rappel, car les croyants suivent leur prophète. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Kul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa mani tab'ani. Dit, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec la clairvoyance, moi et tous ceux qui me suivent, moi et ceux qui me suivent. Thumma bayyana ta'ala anna an-nasa yanqasimuna ila qismayn fima yata'allaq bit-tadhkir. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il montre que concernant le rappel, les gens se divisent en deux. فَالْأَوَّلْهُمْ أَهْلُ الْخَشْيَةِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهِ لِعِلْمِهِمْ بِعَظَمَتِهِ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ هُوَ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ فَهَؤُلَاء هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِالذِّكْرِ. Et donc le premier groupe, ce sont les adeptes de la crainte. Ceux qui vont avoir peur d'Allah. Ceux qui vont avoir peur d'Allah, et cela, et cette crainte est basée sur leur science. Le fait qu'ils reconnaissent la magnificence d'Allah Ta'ala. Ils savent qu'il est dur en châtiment. Ils savent qu'il fait ce qu'il veut. Et autres parmi les attributs d'Allah Ta'ala. Et donc ces gens-là, c'est eux qui vont bénéficier et profiter du rappel. القسم الثاني وهم الذين لا يخشون الله فلا ينتفعون ولو ذكرتهم ولو ذكرتهم ألف مرة. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ne craignent pas Allah. Ils ne vont donc pas profiter du rappel, même si tu leur fais 1000 rappels. 1000 rappels, tu peux leur faire 1000 preuves, tu lui montres ittaqillah, ittaqillah, 1000 fois. Il ne profite pas du rappel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. لأنهم لا يخافون من الله ولا من عذابه فحينئذ هواه مقدم على كل شيء. Et donc à cause du fait qu'ils ne craignent pas Allah et ils ne craignent pas son châtiment, leur passion va donc passer devant toute chose. Le plus important pour lui, c'est sa passion. Pourquoi? Parce qu'il ne craint pas Allah Azza wa Jal. Il n'a pas peur du châtiment de toute façon. Le plus important, c'est la passion. Combien d'argent je gagne, combien de morceaux de pain je mets dans mon ventre, et combien de femmes je peux avoir. Le plus important, c'est sa passion. Ad-dunya, ad-dunya. فَهَاُولَا هُمْ أَشْقَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارِ. Et donc ces gens-là, ce sont les plus malheureux. Lorsqu'on parle de plus malheureux, ce qui est voulu par là, ce sont les incroyants. Et c'est eux qui vont délaisser leur appel totalement. Et cela nous montre l'importance de la crainte et du fait d'avoir peur d'Allah Ta'ala et de son châtiment. L'idée ينبغي على من يدعو الكفار إلى الإسلام أن يخوفهم من الله. Et c'est pour cela que il est convenable à celui qui appelle les incroyants à l'islam, il est convenable qu'il leur fasse peur d'Allah. Parce que s'ils n'ont pas peur d'Allah Azza wa Jal, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Ça rentre et ça ressort. Le plus important, c'est sa passion. Le plus important, c'est manger, boire. Tu vas lui dire, ya akhi, tu sais, Allah Azza wa Jal, il est unique. Lui, il va penser à comment je gagne de l'argent, attention. Tu vas appeler, une sœur va essayer d'appeler une femme à l'islam. Elle va lui parler de craindre Allah Azza wa Jal. Elle va lui montrer les bons côtés du voile. Elle va lui montrer les mérites du voile. Le hijab de la femme musulmane. L'autre, elle va lui dire, ouais, mais moi, je veux travailler, moi, j'ai besoin de travailler. Pourquoi être dounia ? Sa passion passe avant toute chose. Sa passion passe avant toute chose. Et donc, il est important que tu fasses, que tu montres à cette personne qu'elle doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est cela la da'wa du prophète, Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit, ya ayyuha al-muddathir, kum fa anzir. Oh, toi, l'enveloppé, lève-toi et anzir. Al-inzar, c'est quoi l'inzar? Le fait d'avertir contre quoi? C'est contre le mal. C'est contre le danger. Et donc tu fais peur, tu montres à la personne il y a un danger, attention. Si tu continues, tu vas avoir mal. Attention, tu vas te faire du mal. Il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens, qui montrent que tu dois montrer aux gens qu'ils doivent craindre Allah tabaraka wa ta'ala. فَبَيِّنُوا لِلنَّاسِ أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُطِيعُوا رَبَّهُمْ وَخَالِقَهُمْ سَيُعَذَّبُونَ. Alors montrez aux gens que s'ils ne craignent pas et s'ils n'obéissent pas à leur Seigneur et leur Créateur, ils seront châtiés. وَقَدْ يُدْخِلُوا ذَلِكَ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِمْ فَإِنْ خَافُوا اللَّهِ سَيَنْتَفِعُونَ بِالذِّكْرِ إِنْشَاءَ. Et donc il se peut que cet acte que tu vas faire va faire rentrer en eux la peur d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils croient, lorsqu'ils ont peur d'Allah, lorsqu'ils auront peur d'Allah, à ce moment-là, ils profiteront du rappel. À ce moment-là, ils profiteront du rappel. Avant cela, dunya, dunya. Le plus important, c'est la dunya. L'argent, etc. et le reste. ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ هَذَا الشَّقِيِّ هُوَ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Ensuite, Allah Ta'ala, il a montré que cet homme qui est malheureux, le plus malheureux, il brûlera dans le feu le plus grand. Et le feu le plus grand est le feu de l'au-delà. Akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala narukum hadhihi جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leurs recueils respectifs, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Votre feu est juste une part de 70, juste 1 sur 70 du feu de l'au-delà, du feu de l'enfer. Juste une part. Wa kulluna na'rif wa nukir bi anna man mata mahruqan min nar ad-dunya anna hadha al-maut min ashadd al-turuq al-musila ila al-maut. Et on est tous d'accord, on admet tous le fait de mourir brûlé par le feu d'ici-bas, le feu de dunya, cela fait partie des méthodes les plus douloureuses et les plus difficiles qui entraînent la mort. Alors que dire du feu de l'enfer? Que dire du feu de l'enfer? Le feu de dunya, tu ne supportes pas de mettre ta main au-dessus comme ça. Ta main n'est pas dans le feu, juste au-dessus. Tu ne supportes pas. Que dire le feu de l'au-delà, ya ikhwa? ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ. Et ensuite, Allah Ta'ala, il nous montre ce qui est encore plus grave, plus dur que ça encore. On a vu le feu de l'au-delà, plus fort encore que le feu de la dunya. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Allah Ta'ala, il nous montre ce qui est encore plus dur que cela, fait « أَهْلُ النَّارِ الْكُفَّارِ لَا يَمُوتُونَ فِي هَذِهِ النَّارِ. des gens du feu. Les incroyants, ils ne mourront pas dans ce feu. Ils ne vont pas mourir. Le feu d'ici-bas, il brûle, tu souffres, et ensuite tu meurs. Au bout d'un moment, tu meurs. Dans l'au-delà, non. Tu souffres, et tu souffres, et tu souffres encore, et tu souffres encore. Mais tu ne meurs pas. C'est encore plus dur. قال الله تبارك وتعالى في كتابه لا يموت فيها ولا يحيى. Et donc Allah qui nous dit لا يموت فيها ولا يحيى. Il n'y meurt pas et ne vit pas. المعنى أنهم لا يموتون فيها فيستريحون ولا يحيون حياة تنفعهم بل يعذبون. Et donc ce qui est voulu par ce verset, c'est qu'ils ne vont pas mourir afin de pouvoir se reposer. Il n'y a pas de répit, voilà pourquoi ils ne meurent pas. Et ils ne vivent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vie qui leur est profitable. Ils n'ont pas une vie où ils vont connaître du repos non plus. Non, au contraire, ils se font châtier tout le temps. Un châtiment qui ne s'arrête pas. Et donc ils sont vivants. Mais la vie qu'ils ont ne contient pas de bonheur. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab inna allaha kana azizan hakima. Certes, ceux qui ont mécru en nos versets, nous les ferons brûler dans un feu ardent. À chaque fois que leur peau sera consumée, alors nous la changerons. Alors nous la changerons afin qu'ils goûtent encore le châtiment. Et certes, Allah est puissant et sage. Allah Ta'ala qui dit aussi Inna al-mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun. Certes, les criminels seront dans le feu de l'enfer éternellement. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Le châtiment ne va pas s'interrompre. Le châtiment ne s'interrompra pas et ils seront dans celui-ci en plein désespoir. Et certes, nous ne leur avons pas fait injustice, mais c'était eux les injustes. Et ils diront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il demande la mort, le feu ardent. Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Alors Malik, l'ange, donc le gardien de l'enfer, qui dira, certes, antum innakum makithun, vous y resterez éternellement. Nous vous y resterez éternellement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve du feu de l'enfer. Ensuite, Allah Ta'ala, il nous dit « Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa in hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa. » Certes, celui qui s'est purifié a réussi et a fait le rappel de son Seigneur, le rappel du nom de son Seigneur, c'est-à-dire le rappel de son Seigneur, puis à prier. Mais vous préférez, vous favorisez la vie d'ici-bas. Et certes, la dunya, et certes, la akhira, excusez-moi, et certes, l'au-delà est meilleur et plus durable. Et ceci se trouve dans les parchemins, dans les premiers parchemins, les parchemins d'Ibrahim et de Moussa. Qad aflaha man tazakka. Certes, a réussi celui qui s'est purifié. Al-falah huwa al-fawz bil matloub wa an-najat min al-marhoub, comme bayyanahu al-allama Ibn Uthaymeen rahimahullah. Al-falah, la réussite, c'est le fait de parvenir, d'atteindre ce que l'on désire. Tu désires le paradis, l'apaisement, la sérénité, la sécurité. Et donc la réussite, c'est le fait d'atteindre ce que l'on désire et d'être préservé de ce que on va craindre. Comme l'a montré le savant Ibn al-Uthaymin rahimahullah. أما التزكية فعامة يبدأ المرء بتزكية نفسه وقلبه من الشرك. En ce qui concerne la purification, elle est générale. L'individu commence par se purifier lui-même et son cœur. Il se purifie du polythéisme. ثم يطهر نفسه من البدع فيعبد ربه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا مبتدعا. Et ensuite, après cela, l'individu se purifie des innovations. Il va donc adorer son Seigneur en suivant son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en s'éloignant des innovations. وَيُطَهِّرُ قَلْبَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي. Et il purifie son cœur des péchés. وَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ فَهُوَ الْمُفْلِحِ. Et celui qui fait cela, c'est lui qui a réussi. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. On entend ça, tu penses que c'est simple, c'est un djihad, c'est un combat que tu fais tous les jours pour t'éloigner du polythéisme, t'éloigner des innovations. Tu dois apprendre ta religion. Tu dois aussi apprendre ta religion pour connaître ce qui t'est interdit, ce qui t'est autorisé. Cela est important afin de pouvoir te purifier. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Et a fait le rappel de son Seigneur, puis a prié. فذكر الله بالتسبيح والتكبير وغير ذلك من الأذكار ثم يصلي كما أمره ربه. Et ensuite la personne, l'individu, donc fait le rappel de son Seigneur par le tasbih, le fait de dire subhanallah, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et autre que cela comme rappel, comme forme de rappel. Et il va prier comme son Seigneur l'a ordonné. وقال بعض العلماء قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أي أفلح من أخرج صدقة الفطر ثم ذهب إلى الصلاة. Certains savants, ils ont dit que ce qui est voulu par là, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, a réussi celui qui s'est purifié et qui a fait le rappel de son Seigneur et a prié. Ils disent ce qui est voulu par là, c'est que celui qui a réussi, c'est celui qui s'est acquitté de l'aumône zakat al-fitr à la fin de Ramadan, puis qui est allé à la prière du Eid. Ils disent que c'est ce qui est voulu par ce verset. Wa qala akharun inna surata makkiyya wa lam yakun fi makka ta'id. Et d'autres savants, ils disent que cette sourate al-a'la, c'est une sourate qui a été révélée pendant la période mécoise, et durant cette période il n'y avait pas de fête du Eid. Et donc ils disent yustab'ad. Et donc il dit, donc il est lointain que ce qui soit voulu ici, c'est justement ce qui est lié à Salat al-Eid. Wa ala kullin wa qala akharun yajuzu kawni nuzul an-nuzul sabiqan ala al-hukm. Et d'autres qui nous disent qu'il est permis que le verset soit révélé avant et ensuite que le jugement arrive. Il est permis que le verset soit révélé avant et ensuite le jugement arrive. Et dans tous les cas, le verset, comme j'ai dit précédemment, il est général. فَيَشْمَلُوا كُلَّ الْمَعَانِي أَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا. Et dans tous les cas, le verset est général, il englobe donc toutes les significations que nous avons citées, et d'autres encore. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit بَلْ تُؤْثِيُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais vous préférez la vie d'ici-bas, et l'au-delà est meilleur et plus durable. فبين الله تعالى أن الإنسان يفضل الحياة الدنيا لكونها عاجلة وينسى الآخرة. Allah تعالى il nous montre que l'être humain, il favorise la vie d'ici-bas car celle-ci est instantanée. Celle-ci est instantanée et il oublie l'au-delà. Les gens, ils aiment bien ce qui se fait tout de suite. L'être humain, il se précipite. Il veut que s'il travaille, il veut voir la récompense tout de suite. S'il ne la voit pas tout de suite, il est démotivé. Et donc l'être humain, il est accroché à la dunya par rapport à ça. Il est accroché à celle-ci, accroché au bien de ce bas monde. Certains pensent à l'au-delà, mais ils se disent, Inch'Allah, je peux avoir les deux. Je vais essayer d'avoir les deux. Et c'est là qu'il va tomber lui-même dans son piège. Dans son propre piège, il va se piéger lui-même. Et donc l'être humain va préférer l'au-delà à... Il va préférer la dunya à l'au-delà. وإذا تأملت في الأسباب التي تمنع الناس من القيام بما أوجبه الله عليهم ستجد أنها ترجع إلى تأثير الدنيا على الآخرة. Et si tu médites, regarde les gens autour de toi, regarde ta propre situation à toi, médite sur les causes qui font que les gens ont du mal à accomplir ce que Allah leur a ordonné. Tu verras que toutes ces causes-là, elles se réunissent dans le fait de favoriser dunya à l'akhirah. De favoriser la vie d'ici-bas et d'oublier l'au-delà. Toutes ces causes, elles se réunissent dans ça. فَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ وَأَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا لِلْعَمَلِ فَضَّلَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Celui qui a retardé sa prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps pour pouvoir travailler, il a favorisé la vie de ce bas monde à la vie donc de l'au-delà. مَنْ تَرَكَ الْهِجْرَةَ وَهُوَ قَادِرٌ فَضَّلَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Celui qui a délaissé l'émigration vers les pays musulmans, alors qu'il en a la capacité, celui-ci a favorisé la dunya à l'au-delà. وَالْأَمْثَالُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Et les exemples qui vont dans ce sens sont très très nombreux. Méditez, regardez. Et donc, il est important de comprendre cela, les frères, que ça c'est un fondement, un principe fondamental. Nous devons favoriser l'au-delà à ce bas monde. Il est important, ce n'est pas juste le fait de le dire, mais aussi le fait de le vivre. Le fait de le vivre, de le pratiquer. وَالدُّنْيَا دَنِيَّةٌ نَاقِصَةٌ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ حُزْنٍ وَتَعَبٍ. La vie de ce bas monde est vile et basse. Elle est manquante. Il est impératif que dans ce bas monde, nous connaissions la fatigue et la tristesse. أما الآخرة فهي دائمة السرور والسعادة لا تعب فيها. En ce qui concerne l'au-delà, pour les gens du paradis, c'est une vie dans le bonheur et non, c'est une vie dont le bonheur est éternel et c'est une vie qui ne contient pas de fatigue. Alors comment se fait-il que l'individu va favoriser la dunya, la vie d'ici-bas, à la vie dans l'au-delà après cela? Et enfin, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit donc, pour finir cette sourate, Allah ta'ala qui nous dit, « Inna hadha la fi suhufi al-oula, suhufi Ibrahim wa Musa. » Certes, ceci est dans les parchemins, les premiers parchemins, les parchemins d'Ibrahim et de Moussa. « Fahadha alladhi sami'atumu min al-tadkirati laysa huwa khassan bikum, bel huwa fil umami sabiqa kadhalik. » Et donc, ce que vous avez pu entendre n'est pas spécifique et n'est pas propre à notre communauté. Mais cela concerne aussi les communautés précédentes. Ibrahim wa Moussa. Et certes, ce genre de rappel, Ibrahim et Moussa aussi sont venus avec ceci dans leur parchemin. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve du feu de l'enfer. Et qu'il nous place tous parmi les gens du paradis. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.